إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اعلموا أن الله قد أكمل دينه فلا يحتاج إلى مزيد وأتم شريعته فلا تحتاج إلى جديد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا serviteur d'Allah, sachez que Allah سبحانه وتعالى a complété sa religion et que sa religion n'a donc pas besoin de rien, on n'a pas besoin de rien ajouter dans sa religion, et que sa charia, sa législation est complète, et qu'elle ne nécessite aucun ajout. Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié et expliqué dans son livre, « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous ma grâce et mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Serviteurs d'Allah, sachez que, en général, lorsqu'on parle de la religion et lorsqu'on parle des différentes catégories de contradictions à l'islam, lorsque vous écoutez les différents individus qui parlent au nom de l'islam à notre époque, vous allez comprendre et vous allez voir qu'ils divisent en général les musulmans en pécheurs et désobéissants et mécréants. C'est-à-dire qu'ils catégorisent les musulmans en bons musulmans pratiquants qui s'écartent des péchés et qui sont obéissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite, ils vont mentionner ceux qui commettent des péchés et des désobéissances, parmi les kaba'ir, les grands péchés, ou bien les sara'ir, les petits péchés que les gens peuvent commettre. Puis ils vont ensuite, lorsqu'ils catégorisent les êtres humains, vont mentionner également la catégorie de ceux qu'on appelle les kuffars et les mushrikins, c'est-à-dire ceux qui rejettent la foi et qui ont nié le message des messagers et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses messagers, et la foi en les anges, et la foi en les livres, et la foi en le jour dernier, et la foi en la prédestination. Ceux-là sont ceux qu'on appelle les kuffars, ceux qui ont renié, qui ont rejeté la vérité. Et ils vont également mentionner la catégorie de ceux qu'on appelle les mushrikines, c'est-à-dire ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. C'est-à-dire qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne l'adorent pas lui seul. Ils adorent d'autres avec lui, parmi les intermédiaires et les intercesseurs, ou bien parmi les saints et les hommes pieux et les tombes, qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils adorent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là rentrent dans la catégorie de ceux qu'on appelle les mushrikoun, ceux qui associent et qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations. Et ils vont également mentionner une troisième catégorie qu'on appelle al-munafiqoun, c'est-à-dire ceux qui montrent ou qui parlent et qui expriment qu'ils sont des croyants, et ils essaient de faire croire aux autres qu'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en réalité, dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Ils ne croient pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne croient pas en la charia d'Allah. Au contraire même, ils détestent l'islam dans leur cœur. Ils détestent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détestent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils détestent le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans leur cœur, ils cachent leur amour pour la mécréance, pour le kufr, et pour l'association avec Allah, le shirk, avec Allah. Ils aiment le shirk, et ils aiment tout ce qui est contraire à la foi, mais ils le cachent dans leur cœur. Et ils font croire, ou ils exposent, ou ils montrent aux croyants leur foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a divisé ces trois catégories-là dans les premiers versets de Surat al-Baqarah. Mais il y a d'autres catégories également qui existent et que les musulmans parfois négligent ou oublient de mentionner et de clarifier. Et c'est une autre catégorie parmi les catégories dont on a parlé, et c'est la catégorie de ceux qu'on appelle les mubtadi'a, c'est-à-dire les innovateurs. Les innovateurs, c'est-à-dire ceux qui sont musulmans et qui pratiquent l'islam, mais qui inventent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses qui ne font pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des gens qui essaient d'ajouter dans l'islam des choses qui ne font pas partie de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, et qui innovent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie, malheureusement, on en entend très rarement parler, et on la condamne très rarement de la part de certains individus parmi ceux qui appellent à l'islam ou qui parlent de l'islam. Et pourtant, c'est une des catégories au sujet desquelles il faut qu'il y ait de la clarification, au sujet desquelles il faut qu'il y ait de l'explication, au sujet desquelles il faut que les musulmans soient avertis pour éviter justement de tomber dans l'égarement et de tomber dans... Yani ce qui peut même à la fin les amener à même quitter la religion de l'islam. Donc le verset qu'on a cité au début de cette khutbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a clarifié cette religion, qu'il l'a complétée, hein, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a terminé cette révélation, il l'a complétée et venu sceller la prophétie, eh bien cela a été expliqué par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Et il dit, هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق ولا كذب فيه ولا خلف وقال وكما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. Donc l'imam Ibn Kathir, il explique et il dit que parmi les plus grandes grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour cette umma, c'est d'avoir complété pour eux leur religion. Et donc ils n'ont pas besoin d'une autre religion que celle-là, ou d'un autre système, ou d'un autre principe, ou d'une autre idéologie pour venir la compléter, ou d'autres adorations, ou d'autres choses qu'ils doivent ajouter à cette religion. Tout est déjà révélé. Et ils n'ont pas non plus besoin d'un autre prophète qui viendrait après ce prophète, salawatullahi wa salamuhu alayhi, pour rajouter des choses, puisqu'elle est déjà complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce prophète le sceau, c'est-à-dire celui qui vient sceller la prophétie des messagers avant lui. Il n'y a plus de prophète après lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à tous les ins, au monde des ins et des djinns, c'est-à-dire à toute l'humanité. Au blanc, au noir, au jaune, au rouge, peu importe ta couleur, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager-là pour toi. Peu importe ton origine, peu importe ton ethnie, peu importe ta langue, peu importe ta couleur, ce messager est venu pour toi, pour t'amener la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour te guider au tawhid et pour t'avertir contre le shirk, et pour t'apprendre comment te rapprocher de ton créateur, comment t'approcher de ton de ton Créateur, celui qui t'a créé et qui t'a ordonné de l'adorer. Comment l'adorer? Et de quelle manière l'adorer? De la meilleure manière. Il n'y a rien de halal excepté qu'il nous l'a enseigné et qu'il nous a montré ce que c'est. Et il n'y a rien de haram excepté qu'il l'a interdit. Et il n'y a pas d'autre religion excepté ce qu'il a légiféré. Et tout ce qu'il nous a donné comme information est vrai et véracité. Et il n'y a aucun mensonge dedans ou aucune contradiction. Et certes, la parole de ton Seigneur est complète en toute vérité et justice. Elle est véridique. La parole d'Allah est véridique dans ses informations et elle est juste dans ses ordres et dans ses interdictions. Et donc, en complétant pour nous cette religion, il a complété en réalité pour nous la plus grande des grâces et le plus grand des biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَلَمْ يَكُنْ نَبِيٌ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيَنْظُرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ » Ça s'est rapporté par l'imam muslim que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un prophète excepté que c'était un droit pour lui, un devoir pour lui d'indiquer à sa umma tout ce qu'il y a de bien pour eux de ce qu'il sait et de ce qu'Allah lui a révélé. » Et il n'y a pas un mal qu'il sait, excepté qu'il devait en avertir son peuple et sa umma. Donc, il n'y a rien qui reste en dehors de ça. Il a tout clarifié de ce qui était bon pour eux et de ce qui était mauvais pour eux. Il n'y a rien à rajouter. Et Abu Dhar a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien laissé de ce qu'il devait nous enseigner. Même un oiseau qui vole, qui bat ses ailes dans le ciel, le professeur nous en a mentionné quelque chose. Et il n'y a rien qui reste qui peut nous rapprocher du paradis ou nous éloigner de l'enfer, excepté qu'il nous l'a clarifié. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu disait « Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala » C'est-à-dire que Abdullah ibn Mas'ud, un des plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Suivez et n'innovez pas, car vous avez ce qui vous suffit, et toute innovation est un égarement. » Et ça, c'est bien entendu, ça fait référence à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith très célèbre, lorsqu'il dit « فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ » C'est-à-dire, toute nouvelle chose dans la religion qui est inventée est une bid'a, c'est-à-dire quelque chose d'une innovation, quelque chose qui n'existe pas, tu l'inventes dans la religion, c'est une bid'a. Et il a dit ensuite wa kullu bid'atin dalala, c'est-à-dire et toute innovation est un égarement. Et parfois vous allez voir des gens qui vont vous dire il y a des bonnes innovations et il y a des mauvaises innovations dans la religion. Et la réponse à ça, c'est la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas distingué entre une bonne et une mauvaise. Il a dit que toute innovation est un égarement. Est-ce qu'il y a des bons égarements et des mauvais égarements? Toutes les égarements sont des choses mauvaises. Et donc il n'y a pas de bonnes innovations également. Et donc ça c'est un point très très important qu'il nous faut comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » Celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Même si elle paraît bonne, même si les gens pensent qu'elle est bonne, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut que ce soit quelque chose qui vient du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et sinon, elle ne sera pas acceptée et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas récompenser la personne qui la pratique. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sachez que pour qu'une action soit considérée comme une bid'a, déjà avant il faut comprendre ce que signifie le mot bid'a dans la langue arabe. Et le mot bid'a se retrouve dans plusieurs contextes dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même en disant qu'il est badi'u samawati wal ard. C'est-à-dire qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre. Et lorsqu'il les a créés, il ne les a pas créés selon un modèle précédent. Il l'a créé la première fois et c'était donc sa première, c'est une création qu'il a faite. Personne avant lui n'avait fait quelque chose de comparable et personne ne peut faire quoi que ce soit de comparable. Il est al-Badir. Allah subhanahu wa ta'ala est Badir al-Samawati wal-Ard. Et un autre exemple de ce terme ou de ce mot qui est employé dans le Coran aussi à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرَّسُولِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit aux hommes, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier d'entre les messagers. Il y a avant moi beaucoup de messagers qui sont venus. Et ce que je ramène, ce n'est pas une innovation. C'est quelque chose qui a été enseigné par tous les messagers également. Le tawhid et l'unicité d'Allah et le fait que rien ne doit être adoré excepté le créateur des cieux et de la terre, ça c'est le message que tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont amené avant moi et donc je ne suis pas une innovation entre les messagers. Ça c'est le terme linguistique du mot bid'a. Et en ce qui concerne la définition du terme bid'a dans la religion, eh bien ça a été expliqué par différents savants comme étant quelque chose que la religion n'a pas ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont pas légiféré et ne l'ont pas ordonné et ne l'ont pas non plus recommandé. Donc si ça n'a pas été ordonné ni recommandé et que ça ne fait pas partie des ordres de la religion ou des principes de la religion, eh bien ça ne fait pas partie de l'islam. Ou bien ça a été également interprété ou expliqué comme étant une voie qui est inventée dans la religion et qui essaie d'imiter la religion. Et qui est pratiqué dans le but d'adorer Allah ou de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est certaines des définitions qui ont été données au sujet de la bid'ah. Et donc, pour que quelque chose rentre dans les innovations, premièrement, il faut que ce soit quelque chose qui est innové. Quelque chose qui est nouveau, qui est inventé après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit dans les paroles, soit dans les actions, soit dans la croyance. Et soit dans les pratiques, les interactions. Tu ramènes quelque chose de nouveau dans les paroles, dans les croyances, dans les actions, et tu prétends que cela fait partie de l'islam, que cela fait partie de la religion, et c'est une chose qui n'existait pas après la mort du prophète, avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les sahaba n'ont jamais connu ni pratiqué. Alors dans ce cas-là, ça rentre dans qu'est-ce qu'on appelle une innovation, et c'est quelque chose qui est donc rejeté, peu importe que les gens pensent que c'est quelque chose de bien ou de mal. Et bien entendu que cette chose-là soit attribuée à la religion et que quelqu'un le fasse comme étant une action qui est quelque chose de religieux. Hein? Et la preuve de ça, c'est que le prophète a dit man ahdatha fi amrina hadha, c'est-à-dire celui qui rajoute quelque chose dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion. Donc ça exclut les innovations dans les choses de la vie, les choses qui n'ont aucun rapport avec la religion, comme les innovations technologiques et les différents moyens qu'on utilise pour faire des choses, les moyens de communication, les moyens de transport et l'internet ou les ordinateurs ou l'électricité ou d'autres choses qu'on utilise, ces choses-là n'entrent pas dans les questions d'adoration, les questions de croyance, les questions de pratiques religieuses. Ces choses-là sont des choses de la dunya et donc ça ne fait pas partie de ce que le professeur Sam a mentionné comme étant des innovations dans la religion, et donc il ne faut pas mélanger entre les deux. Et troisièmement, cette chose n'a aucun fondement dans la charia, puisque certaines personnes peuvent faire des actes d'adoration qui à la base sont dans la religion et qui font partie de la religion, mais ils y ajoutent des éléments et des descriptions ou des conditions ou des caractéristiques qui sont innovées et qui rendent donc ces actes innovés elles aussi. Comme par exemple, quelqu'un qui voudrait faire la prière, une salat, et qu'il voudrait rajouter différentes choses dans cette prière. Au lieu de faire 2 sujoud, il dit, moi je vais faire 8 sujoud ou 10 sujoud. Il va dire, oui, mais je ne fais rien de mal. Je ne fais que rajouter le nombre de sujoud. Et certains des imams, lorsque certains d'entre les gens voulaient faire ce genre de choses, eh bien, ils ont mentionné à ces gens-là, cesse de le faire, parce que tu es en train d'innover dans la religion. Et la personne a répondu, oui, mais est-ce que Allah va me punir parce que je rajoute des choses, des prosternations dans ma prière? Il lui a répondu en disant, Allah ne va pas te punir parce que tu rajoutes des prosternations dans la prière. Allah va te punir parce que tu contredis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut donc comprendre que lorsque quelqu'un veut faire du bien, il peut le faire, mais de la manière qui est venue dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, si quelqu'un veut faire le dhikr, mais qu'il rajoute avec le dhikr de la danse ou des chants, hein, ou bien des mouvements, ou des cris, ou des choses de ce genre, eh bien ça fait en sorte que cette action devient une innovation, et ça sort donc de ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala dans la religion. Et les salafs, les premiers musulmans, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ont dit plein de paroles pour mettre en garde la umma contre les innovations. Et le sujet est très vaste, et il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, bien entendu, mais il faut que les musulmans soient avertis et éduqués à ce sujet-là, puisque sinon ils risquent grave, et ils risquent gros, et ils risquent beaucoup d'égarements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui préfère autre que ma sunna, ou qui choisit autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Et il a dit dans un autre hadith, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ مِنْ بَعْدِي. Il a dit, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de suivre son chemin. Et il dit dans le Coran, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit, voici mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de sa voie et de son chemin. Donc toutes les innovations, toutes les choses qui contredisent l'ordre d'Allah font partie des petits sentiers qui divisent les hommes et qui les appellent et qui les amènent vers l'égarement. Et le chemin d'Allah est un chemin droit et un chemin unique. Et c'est de suivre le Coran et de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui sort de ce qui est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas, ça fait partie de la voie de l'égarement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وانصر أهل السنة وأعز أهل السنة واجعل الناس يفهمون دينك وفقههم في دينك يا رب العالمين واجعلهم يفهمون سنة نبيك ويقومون بها ويدعون إليها ويتعلمونها ويتفقهون في دينك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. أي عن الصلاة يا عليك الفلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة أنا أمرك الله لا إله إلا الله لا إله إلا استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين